صاحبي الروب لهاد العام كوم لا سواري كيتو كلابي كتبين فين جيمي فوت فخا Okay, je rentre sur la piste, 10 mètres de la partie, ghetto club, bim, de ma team, pas trafait, si ce soir c'est der, ouah, tu t'abîmes pas les mois dans ce crash en bas, voix, au fichal, rien que des fous, fille des fous, les qui aperçoit des bombes, des amorces comme au co-ed, samedi soir, une autre soirée, ghetto club, bim, tu rentres même les visages cramés, Aster, sinistre, t'oublies tes soucis, si t'es bien mignonne, je te montrerai mon usine, paire de checkers, re, frais, toutes les listes me tricard, mais je suis refait, qui est dans la place, ça fait ses 10 mec, c'est mes frères à la casa pour free, mais, Champions la foule, normal, ma voix tire la foudre régionale. Mal, j'suis l'animal qui danse avec les loups. Ton gars, tu l'as mis mal, tu l'as laissé sur la touche. HM, HM, boy, t'as trop mis la dose dans ton verre d'alcool. La cherche ma petite LBA, ça y est, j'crois, j'l'ai trouvé, elle s'appelle Aïcha. Un petit clin d'œil, j'te fais danser le Mia. Dis mes chefs, Hussein pour la familia. Au fond de la salle, ça se bouscule. Pour une racle comme gaz, ça se dispute. Toute la night, t'as kiffé la vibe. Ghetto clubbing, t'as à Paris White. Tu kiffes les chaînes. Anciens soirs, c'est moi dans tes enceintes. يا بينا شكون يهدر معاك وشكون يهدر معاك